Valérie Levé au microphone de CKRL 89.1 et c'est l'heure de votre magazine de culture scientifique Futur Simple. Aujourd'hui, nous allons sortir du studio et aller en ville, écouter, voir la science et même faire de la science. Nous sommes en effet à quelques jours du 24 heures des sciences, un événement de culture scientifique pan-québécois avec tout un tas d'activités à travers le Québec et ici même à Québec. Alors, pour découvrir cet événement et ses activités, je suis en compagnie de Perrine Poisson, chargée de projet à Sciences pour tous et coordonnatrice du 24 heures de sciences. Bonjour Perrine. Bonjour Valérie. Je suis également en compagnie de Marc-Antoine Lettre, qui est adjoint à la direction à l'Îlot des Palais. Bonjour Marc-Antoine. Bonjour Valérie. Et en compagnie de Adeline Philippard, qui est coordonnatrice des programmes pédagogiques au groupe d'éducation et d'éco-surveillance de l'eau, qui vont donc nous présenter plus particulièrement deux des activités proposées à Québec. Alors bonjour Adeline. Bonjour Valérie. Alors, je vais commencer pour faire ce tour des activités du 24 heures des sciences. Je vais commencer avec Perrine. Donc, Perrine, vous êtes chargée de projet à Sciences pour tous, mais Sciences pour tous, en fait, qu'est-ce que c'est? Sciences pour tous, c'est un regroupement d'organismes de culture scientifique à travers le Québec. Notre objectif, c'est de faire connaître ces organismes qui peuvent être des musées de sciences, des centres d'interprétation, des médias scientifiques, des centres de recherche aussi, quelconque organisme qui a un lien de près ou de loin avec la science et qui cherche à partager avec le public. D'accord, donc j'imagine qu'il y a plein d'organismes comme ça à travers le Québec. Et le 24 heures de science dans tout ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une vitrine pour ces organismes-là. En fait, on leur propose une date, ou plutôt deux, pour être plus précise. Donc, pendant 2 jours, on va leur proposer de se rassembler et d'organiser des activités pour le grand public partout à travers la province. Donc, ça peut être dans leurs murs, ça peut être des excursions à l'extérieur, ça peut être aller présenter la science là où le public se trouve, comme par exemple dans des centres commerciaux. C'est ça, le 24 heures de science. Mais j'imagine qu'en même temps, il y a comme une mission, une envie de faire découvrir la science aussi au public. Ce n'est pas juste de faire découvrir les organismes. Oui, tout à fait, exactement. De partager la science. Oui, oui, oui. Notre mission, c'est de valoriser ces organismes-là. Mais l'objectif du 24 heures de science lui-même, c'est de créer des rencontres entre les scientifiques et le grand public et aussi de stimuler l'intérêt général pour la science et la culture scientifique, aussi bien auprès des grands que des plus jeunes. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée du genre d'organisme justement qui participe au 24 heures des sciences, donc, et ces organismes qui ont des activités ou un mandat de culture scientifique dans le Québec? Parce qu'on a en tête les musées, mais j'imagine que c'est plus que ça. Non, effectivement, c'est beaucoup plus que les musées. Il y a des centres d'interprétation ou de démonstration, comme par exemple, je pense au centre de démonstration en sciences physiques qui est au Cégep Garneau. On a des associations d'experts scientifiques comme par exemple des associations d'astronomes ou des associations d'entomologistes qui souhaitent partager leur passion des insectes ou des ornithologues qui organisent des excursions pour découvrir les oiseaux. Il y a vraiment toutes sortes d'activités. On a des associations un peu plus grosses comme par exemple cette année l'ACFAS qui organise son congrès à l'Université Laval, a inscrit plusieurs activités grand public dans le cadre du 24 heures de sciences parce que les dates concordent. Fait qu'il y a vraiment beaucoup d'institutions, puis il y a aussi des centres de recherche en tant que tels ou des universités qui souhaitent profiter de l'occasion pour partager des découvertes ou des recherches. D'accord, donc on a l'impression que c'est un riche programme qui s'annonce, mais en fait c'est quand? Alors, c'est les 6 et 7 mai prochains. Alors, ça peut paraître un peu étrange. Pourquoi 24 heures de science et ça serait sur 2 jours? C'est parce qu'à l'origine, il n'y avait pas autant d'activités et on commençait le vendredi midi pour aller jusqu'au samedi midi. Mais au fur et à mesure des années, la programmation est devenue tellement riche et dense qu'on a ouvert l'événement sur 2 jours complets, même si on n'a pas changé son nom. On a juste rajouté et plus à la fin du 24 heures de science. Et même que ces dernières années, on a rejoint un événement d'envergure pan-canadienne qui est l'Odyssée des sciences et qui, lui, s'étale sur 2 semaines, qui commence au moment du 24 heures de sciences. Donc, on a une grosse concentration d'activités sur les dates du 24 heures de sciences, les 6 et 7 mai, mais on a quelques activités qui se poursuivent dans les 2 semaines suivantes, ce qui permet d'étaler un peu, le plaisir. Oui, puis sinon, j'imagine c'est un peu compliqué quand il y a beaucoup d'activités, mais on peut pas se cloner pour aller participer à Tout toutes à les fait, activités qui sont en même ouais. temps. Donc, si elles sont un peu diluées dans le temps, ça permet de participer à plusieurs de ces activités. Tout à Et fait. donc, il y a tout un grand éventail d'activités, mais où est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on, comment on fait pour trouver justement le programme? J'imagine qu'il y a un site web. Oui, effectivement, c'est là que vous allez avoir l'ensemble de la programmation. Le site s'appelle science 24 en chiffres heures avec un s.com, donc science24heures.com. Et là-dessus, vous allez retrouver l'ensemble de la programmation du 24 heures de science. Si vous voulez chercher les activités proches de chez vous, c'est très facile puisqu'il y a un petit moteur de recherche qui vous permet d'y aller par ville, par région ou alors par intérêt scientifique ou par discipline. Donc, c'est assez simple. Et puis, la pandémie nous aura quand même légué un certain héritage, comme dans beaucoup d'événements. On a toute une partie de la programmation qui est en ligne. Donc, ce n'est pas l'essentiel de la programmation, puisque cette année, on revient quand même à une édition principalement en personne, avec beaucoup d'activités, environ 80% des activités qui vont être en personne. Mais il y a quand même un 20% d'activités en ligne, donc qui permettent à des organismes éloignés ou à des gens éloignés, de se rencontrer, de se rejoindre. Et donc, ces activités-là vont être accessibles à tout le monde à travers la province. Beau temps, mauvais temps. S'il pleut, pas Exactement. d'excuses, il y a toujours quelque chose à faire en ligne. Oui. Donc, allons-y un petit peu, un peu plus dans le détail, dans la mesure du possible, pour ce qui est des activités de Québec, pour former les auditeurs de Futursymbes, de CKRL, qui sont quand même majoritairement des auditeurs situés à Québec. Donc, Québec et région, on va avoir le droit à quoi? Ah, mais là, c'est vaste, donc ça va dépendre de vos intérêts, mais si je peux donner quelques exemples, on va avoir une activité assez chouette de réaction en chaîne qui va se dérouler au centre de démonstration en sciences physiques, où on invite les familles à venir participer à un atelier où on va construire une immense réaction en chaîne. Donc, chaque famille va être responsable de construire un petit morceau avec des objets, des choses qu'on va mettre à leur disposition. Et à la fin de l'activité, on va déclencher la machine et voir si toutes les parties construites par les différentes familles vont permettre d'actionner la réaction finale qui va être une surprise. Ah oui, Donc, ça, c'est. donc là, les gens vont vraiment pouvoir mettre la main à la pâte Oui. là, pour placer les différents éléments, espérer que ça s'enchaîne pour aller jusqu'au bout. Exactement. Et puis faire preuve un peu d'imagination aussi parce que ça sera quand même relativement libre. On pourra avoir des conseils et des coups de pouce, mais on pourra aussi faire preuve d'imagination. Et quelque chose d'important qu'on n'a pas encore précisé pour le 24 heures de science, c'est que la grande majorité des activités sont gratuites. Ah oui, ça c'est intéressant, oui. Oui, donc il y a beaucoup, beaucoup d'organismes qui vont faire un effort de gratuité dans le cadre du 24 heures de science. Donc c'est un incitatif supplémentaire. Donc, sinon, si je continue, si vous aimez les randonnées nature, vous pouvez aller avec les ornithologues de Québec faire une excursion d'observation d'oiseaux dans le parc des Hauts-Fonds. Et si vous aimez les petites bibittes, eh bien, il y a à peu près la même chose au même endroit, mais pour les insectes. Donc, cette Oui. fois-ci, vous pouvez aller à la chasse aux bestioles aussi dans le parc des Hauts-Fonds. Donc ça, c'est Avec bien. les enfants, ça c'est très très gagnant avec les enfants, c'est toujours un succès. Oui, c'est intéressant parce que les enfants sont pas répugnés par les insectes. Donc Non, généralement c'est source de curiosité. Alors ça peut faire naître quelques berques des fois, mais en général c'est plutôt positif. Puis donc ça, c'est des activités nature et je vais donc me tourner vers Adeline justement parce que vous aussi, vous proposez une activité de découverte de la nature. Ah oui, un petit peu spécial. Ça fait plusieurs années qu'on participe aux 24 heures de science. Effectivement, on a la chance depuis plusieurs années d'avoir le mandat par la ville de Québec de créer des activités au centre de plein air de Beauport, et on a la charge du centre d'interprétation de la nature qui s'y trouve. Et donc, on cherche des petites activités qui peuvent changer tous les ans. Et cette année, la ville nous a donné un mandat de créer un jeu d'évasion, ou plutôt on leur a proposé, dans le cadre de la mise en valeur des rivières, un jeu d'évasion autour de la Montmorency. Le centre de plein air étant un lieu magnifique où on a de nombreuses zones humides qui sont importantes à préserver. Donc là, l'intérêt, c'est que les participants, de manière un peu ludique, en apprennent plus, tout en alliant et la partie historique du site, qui a contribué beaucoup tout au long de l'histoire, et la partie environnementale. Donc, on sait un peu faire découvrir tout ça aux gens de manière un peu plus ludique. Donc, en fait, les 24 heures de science sont l'occasion de tester le jeu en grandeur nature avec des participants. Donc, on profite aussi de pouvoir d'être inscrit dans le cadre de l'Odyssée des sciences pour que la semaine d'après, d'autres participants pourront venir. On essaiera d'améliorer, en fait. On veut que les gens soient aussi un petit peu acteurs de ça, et en fonction de leur ressenti, on va un petit peu affiner tout ça de manière à pouvoir fournir ensuite à une activité qui pourra être. Il y a peu de places disponibles, mais ceux qui ne pourront pas en profiter pendant les 24 heures. Les 24 heures de science auront la possibilité d'en profiter pendant l'été où le centre d'interprétation est ouvert. Donc D'accord, voilà. se pérenniser. Mais en fait, ça consiste en quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire les Alors, je ne vais participants? pas non plus dévoiler la mission parce que ce serait dommage, mais. Ils vont mettre les pieds dans l'eau pour identifier les petites bestioles qui Non, sont dans l'eau? non, non, c'est parce qu'il faut que ce soit accessible à tout le monde. Donc, et pour des questions de sécurité aussi, on va éviter, c'est plus simple. Mais en fait, c'est comme une espèce de petite chasse au trésor avec des énigmes à résoudre qui permettent d'aller de station en station et d'essayer de résoudre des énigmes et à la fin d'essayer de contribuer aussi à l'amélioration et à la préservation des milieux humides. Donc, d'une certaine manière, de s'engager aussi à leur préservation. D'accord. Et ça, c'est accessible à tous, enfants, adultes? Effectivement. Alors, normalement, on a essayé de faire des énigmes qui puissent être, comment dire, accessibles au plus grand nombre. Et pour les tout petits qui maîtrisent pas nécessairement le langage, l'écriture, et puis qui peuvent peut-être un petit peu s'ennuyer, on leur a fait un petit jeu spécifique que pour eux. Donc, ils auront leurs petites énigmes à résoudre, en même temps que les grands. Donc, Ah bah voilà. c'est chouette ça. Et ça se passe quand le samedi C'est matin? uniquement le samedi 7, donc, et normalement on le refera le samedi de la semaine D'accord. d'après, de 10h à midi, donc c'est des plages horaires, puisque pour éviter que tout le monde parte en même temps, pour que le jeu d'évasion soit Ouais. plus facile. Donc, quelques temps après, une semaine avant à peu près, on mettra un système d'inscription et de réservation où les gens pourront venir. Et de toute façon, pour ceux qui n'auront pas eu la chance de participer ce jour-là précisément, le centre de Sainte interprétation nous sera ouvert, donc ils pourront quand même découvrir la faune et la flore locale avec notre guide naturaliste. Ben ça, c'est très bien. Puis ça va permettre de découvrir ce petit coin de la ville de Québec que tout le monde ne connaît pas non plus, qui est Non, de la ville et qui est peut-être un peu moins connu que d'autres. et qui gagne à être connu parce qu'il est juste à côté. Finalement, on est à 10 minutes du centre-ville et en très peu de temps, on est totalement dépaysé dans un milieu qui est quand même relativement préservé et très riche surtout. Oui, absolument. Très bien. Ben merci beaucoup pour cette activité. Merci beaucoup, Adeline. Je vais retourner à Perrine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme type d'activité? Je ne sais pas si c'est une Alors, activité je vais. en astronomie, par exemple. Oui, tout à fait. J'allais justement en parler. Ah On est sur la même longueur d'onde. Donc, oui, il se trouve qu'il va y avoir une éclipse de lune peu de temps après le 24 heures de science. Et donc, il va y avoir une soirée conférence qui va avoir lieu. L'éclipse de lune est le 15 mai. Et quelques jours avant, il va y avoir une conférence offerte par un club d'astronomie à Baie-Saint-Paul, si je ne m'abuse, sur cette éclipse, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et le jour même de l'éclipse, donc le 15 mai, il va être possible de l'observer avec des astronomes amateurs si les nuages nous laissent faire. Donc ça va être vraiment chouette. Une autre activité aussi intéressante dans le cadre du congrès de l'ACFAS, dont j'ai touché un mot tout à l'heure, c'est une sorte de pièce de théâtre qui est basée sur la relation entre le frère Marie-Victorin et sa collègue Marcel Gauvreau. Ah ouais. Donc, ils se sont échangés de très nombreuses lettres sur la botanique, mais aussi sur toutes sortes d'autres choses, dont l'éducation sexuelle et d'autres sujets de ce genre-là, qui étaient évidemment une relation épistolaire cachée, puisque lui était religieux, elle était célibataire. Donc, il y a probablement eu beaucoup plus qu'une relation épistolaire. Mais nous, ce qu'on va voir lors de cette pièce de théâtre, c'est basé sur ça, et ça promet d'être très... Sur la correspondance entre Marcel. Oui, sur la correspondance, et ça va être très sympathique, je pense. Ouais, c'est très intéressant, très original, cette activité-là, effectivement. Mm. Et sinon, pour revenir à l'astronomie, on a un club d'astronomie qui participe depuis des années aux 24 heures de science, qui est le club Vega. Et ils font toujours la même activité, mais qui est toujours très sympathique. C'est les enfants du club d'astronomie qui présentent des projets d'astronomie et qui vont... c'est comme un petit concours, en fait, où les gens peuvent assister à la présentation de ces projets d'astronomie. Et ensuite, il y a un projet qui va être nommé gagnant. Ouais, c'est comme un petit peu un expo science astronomie. Astronomie, tout ouais. à fait. Oui. C'est très sympathique, cette activité. Puis il faut dire, là, on parle d'activités biologie, astronomie, mais le 24 heures de science, c'est vraiment la science au sens large, incluant l'archéologie. Et là, à Québec, il y a une très belle activité en archéologie. Puis je vais donner la parole à Marc-Antoine pour nous décrire cette activité à l'île aux Palais, c'est ça? Oui, absolument. Ça s'appelle le rallye archéoscientifique. En fait, les gens souvent ont l'image là, de l'archéologue aventurier qui cherche des trésors reluisants, mais en fait, on oublie que l'archéologue, l'archéologie du moins, c'est une science et l'archéologue, c'est un scientifique. Donc, l'archéologue, autant qu'il peut aller faire des fouilles sur le terrain, mais aussi, il peut aussi se vêtir d'un sarrau et travailler en laboratoire, par exemple. Donc, l'Île des Palais, qui est un site archéologique du Vieux-Québec, en fait, on a un espace muséal et un site archéologique à l'extérieur. Et en fait, notre rallye là, vise à trouver, à travers les artefacts, les écofacs et aussi le site extérieur, différents éléments qui ont un lien avec justement la science, les différents types de sciences qu'on utilise en archéologie. Donc, je vous donne un exemple. Par exemple, on utilise le procédé d'élutriation. Donc, peu de gens savent c'est quoi, mais c'est un procédé qui consiste en fait à filtrer les échantillons de sol qu'on obtient pour en retirer des petits écofacs, par exemple, donc des petits restes de graines, même d'insectes. Parce que les archéologues aussi étudient les insectes, ça s'appelle l'archéo-entomologie. Ouais. Aussi, les archéologues utilisent les os d'animaux, ça s'appelle la zooarchéologie. Donc, c'est toutes ces sous-disciplines-là d'archéologie, en fait, qu'on met en valeur dans notre rallye. Et c'est ça, les tout-petits vont pouvoir, là, justement, voir des vrais artefacts et chercher à travers ces artefacts-là là, les réponses aux questions qui vont être posées dans le rallye. Oui, ça met en valeur un petit peu le côté enquête, comme une enquête policière presque. Oui. Le travail de l'archéologue. C'est absolument ça. C'est l'archéologue, c'est un travail d'enquêteur qui fait. Si on cherche en fait l'histoire du passé, qu'est-ce qui s'est passé? D'en trouver ces artefacts et ensuite les faire parler avec différents moyens techniques scientifiques. Donc, c'est tout ce côté enquêteur qui va être que les participants vont pouvoir explorer. Donc, même question, en fait, voilà, vous en avez parlé, il y a les tout-petits, mais est-ce qu'en fait, c'est ouvert à tout le monde, petit, grand, est-ce qu'il faut s'inscrire? Est-ce que c'est gratuit? C'est ouvert à tout le monde. Puis ouais. Je dirais même un peu comme Adeline, là, pour les tout petits-petits, là, on a comme une version un peu plus simple là, aussi avec compter les couleurs, les formes. T'sais, c'est un peu plus simple. Donc, on a un alternatif là, pour ceux qui ont vraiment des tout-petits. Et à partir de l'âge primaire, là, je dirais que le rallye est fait pour ça. Puis je vous dirais même, les adultes aussi vont apprendre beaucoup de choses. Hein, donc, c'est vraiment ouvert à tous. Certainement. Et ça a lieu quel jour alors? Ça va avoir lieu les deux jours, donc vendredi de 10h à 16h30, le 6 mai, et samedi le 7 mai de 10h à 17h. Et pas besoin de réservation, je peux vous présenter. Ça se déroule à la fois à l'intérieur et il va y avoir quelques questions aussi sur le site extérieur, donc il y a assez d'espace de ce côté-là. Merci beaucoup pour cette belle activité qui va permettre de faire découvrir l'archéologie. Merci beaucoup Marc-Antoine. C'est un plaisir. Donc, je retourne vers Perrine. J'imagine qu'on n'a pas fait tout à fait le tour encore de toutes les activités qu'il va y avoir à Québec, mais on voit qu'il y en a déjà un éventail dans différents coins de la ville, autant côté Beauport que côté Saint-Augustin, je crois. Donc, oui, il y en a pas mal et il y en a aussi quelques-unes qui vont être à l'extérieur de la ville de Québec, dans la région de la capitale nationale. Et puis, comme il y en a un petit peu partout au Québec, si vous n'êtes pas situé dans Québec, vous pouvez quand même regarder ce qui serait proche de chez vous. Si je continue mon petit tour d'horizon, la maison Léon Provencher va offrir des ateliers en lien avec l'environnement pour les enfants dans le cadre du 24 heures de science. Donc ça va être le samedi. Je ne sais pas si vos auditeurs ont déjà entendu parler d'un événement qui s'appelle « Ma thèse en 180 secondes ». Ah, c'est un bel événement, ça, effectivement. Oui, il faut en parler. Oui, alors ce sont des étudiants-chercheurs qui sont invités à résumer leur travail de recherche en 180 secondes et à le rendre intéressant et compréhensible pour le grand public. Et la finale de ce concours-là va avoir lieu à Québec cette année. Ça va être le mercredi 11 mai, donc un petit peu après le 24 heures de science, mais quand même pas si loin. Mmh. Et le public est invité à s'inscrire pour assister à cet événement-là qui est gratuit également. C'est toujours, en plus, les jeunes qui préparent, qui présentent leur thèse là, en 3 minutes, ils le font toujours de façon assez imagée, oui, vivante. Là. C'est un spectacle en soi. Là. Exactement, c'est un spectacle et c'est conçu comme tel avec une salle de spectacle, une scène et c'est absolument génial comme événement. En fait, c'est la finale pour après aller, c'est la finale québécoise, peut-être pour aller ensuite en finale internationale, j'imagine. Oui, exactement. Les meilleurs sont sélectionnés pour aller. Ce concours a commencé au Québec avec l'ACFAS, ouais, et c'est répandu dans la francophonie. Et maintenant, la plupart des pays francophones tiennent ce concours et effectivement, il va y avoir une finale internationale un petit peu plus tard. Ah ouais. Très rapidement, Perrine, parce qu'il nous reste, disons, 2 toutes petites minutes. Oui. Des activités en ligne, parce que bon, il y a les activités à Québec, mais il y a des activités en ligne qu'on peut faire. Oui. Est-ce qu'il y en a une ou deux qui sortiraient, dont vous auriez envie de parler? J'aurais bien envie de vous parler de notre 24 heures de science sur Twitch. Donc, Twitch, c'est une plateforme de télé en ligne et on s'est associé avec une chaîne de cette plateforme télé qui s'appelle Science à la carte. Et pendant le 24 heures de science, pendant le vendredi et le samedi, on va être présent pendant 2 périodes de 12 heures, donc vraiment pendant 24 heures au final, et on va recevoir de nombreuses personnes en entrevue qui vont parler de différents sujets scientifiques. On va être, nous, en direct de la biosphère pour enregistrer ça, et ça va être donc accessible de partout en ligne. Il s'agit simplement de se connecter sur la chaîne Science à la carte de la plateforme Twitch. Mmh. Donc, on va avoir une panoplie d'invités surprenants et intéressants. Donc, je vous laisserai aller découvrir la programmation. Sinon, une autre activité en ligne qui peut être sympathique, c'est le GREM, qui est un groupe de recherche sur les mammifères marins, qui propose une animation conférence sur les baleines. Ça s'appelle « Histoire de géants ». Et ça va être accessible aussi à tout le monde à travers le Québec. Fait que c'est très, très sympathique. Et puis, vous avez aussi des concours, différents concours auxquels vous pouvez participer. Par exemple, Calcul Québec vous propose de participer à un concours pour aller visiter un super ordinateur. Donc, avec votre famille, vous pourrez pour en avoir déjà vu un une fois, c'est vraiment impressionnant. C'est une salle remplie de serveurs et là, il y a des experts qui vont vous expliquer comment ça fonctionne et à quoi ça sert, des aussi gros ordinateurs. Il y a des concours photos, il y a un concours offert par le magazine Les Débrouillards aussi dans le cadre de l'Odyssée des sciences et du 24 heures. Donc, beaucoup de choses à découvrir. Ouais, on voit que c'est pas le choix qui manque et finalement, pour aller explorer le programme, on va sur le site. Donc, Science 24 heures, c'est quoi .com. science24heures.com. Alors voilà, c'est une date à mettre à notre agenda, les 6 et 7 mai et plus, donc dans les semaines la semaine qui va poursuivre. Je vous remercie tous les trois. Perrine Poisson, donc coordinatrice du 24 heures de science à Science pour tous. Adeline Philippard, coordonnatrice des programmes pédagogiques au groupe d'éducation et d'éco-surveillance de l'eau. Et Marc-Antoine Lettre, adjoint à la direction à l'îlot des Palais. Merci beaucoup à tous les trois pour ce survol du 24 heures des sciences. Et je nous souhaite à tous un beau 24 heures des sciences les 6 et 7 mai prochains. Merci Valérie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors ainsi se termine Futur Simple, mais évidemment Futur Simple vous revient la semaine prochaine, très probablement pour une plongée dans un objet très complexe, c'est-à-dire notre cerveau. Mais pour le moment, je vous laisse en compagnie de l'aérospatial sur CKRL 89.1. Mieux que partout ailleurs, au jardin de mon cœur, une petite fleur. Cette fleur, plus jolie qu'un bouquet, elle le garde en secret. Tous mes rêves d'enfant, l'amour de mes parents, et tous ces clairs matins, faits de souvenirs lointains. Quand la vie par moments me trahit, tu restes mon bonheur, petite fleur, sur mes 20 ans. Je m'arrête un moment pour respirer ce parfum que j'ai tant aimé. Dans mon cœur, tu fleuriras toujours au grand jardin d'amour, petite fleur. Petite fleur.